Je te présente en une minute et après, vous m'avez donné l'autorisation, une licence tout type, pour l'interrompre si jamais, d'un point de vue pédagogique, il fallait faire quelques répétitions. Donc, Alain Pierrot est un. Je faisais une remarque hier à des collègues en disant qu'il y a eu le temps des startups sur le numérique hein, dans les années 2000 et les jeunes hommes de 22-23 ans nous refaisaient le monde. Et puis, j'ai constaté que les grands leaders, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ceux qui influaient et qui nous aidaient le plus à penser le numérique, c'est-à-dire Timori, par exemple, hein, pour ne prendre que lui, ou Bob Stein, c'était des gens, en fait, qui avaient eu des vies avant, hein, et qui avaient l'intelligence... C'est en réalité dans un glossaire, les gens qui ont eu des vies avant, voilà. Euphémisme pour Dieu. Voilà. Donc Alain Pierrot est un dieu qui nous apporte sa sagesse et sa compréhension du contemporain. Et je constate en tout cas qu'il n'y a plus de conflit de génération dans les acteurs. Au contraire, on apprend beaucoup de ceux qui ont eu beaucoup de mains dans le cambouis pendant longtemps, et Alain est cela puisqu'il a travaillé dans l'émission pendant longtemps, il y travaille toujours et il a été consultant et il l'est toujours. Voilà. Bien. Bonjour, donc on m'a demandé de parler d'un sujet dont je crois que je me demande encore ce qu'il signifie, la convergence numérique dans l'édition. Donc on va essayer de passer 2 heures à débrouiller ce sujet. Regardez un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Malheureusement, vous allez entendre beaucoup de redites parce que Marin Dacos a dit tout ce que j'avais à dire et beaucoup mieux que moi là. Mais après tout, dans une université d'été, la répétition, la mémorisation, ça exige un peu d'anamnèse. On va faire de l'anamnèse à sa suite. Alors, la convergence numérique dans l'édition, je vais commencer assez fort. Et là, je vous inviterai à m'interrompre parce que normalement il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre un petit peu. Moi je dirais que c'est l'utilisation de techniques numériques, convergence numérique, là, donc des techniques numériques, je préfère le terme de technique à technologie, voilà, pour la préparation de la publication, pas de problème là pour vous, hein, pour le référencement du produit, pour la promotion du produit, pour la commercialisation du produit, pour la fabrication du produit, pour l'utilisation du produit. Et on va essayer de donner des exemples un petit peu de tous ces points. Mais il y a peut-être quelque chose qui devrait faire réagir certains, là, dans la terminologie. Le produit. Voilà. Bon. Parce que je n'ai pas envie de parler de livre, qui est une notion beaucoup trop floue à mon goût, hein, pour qu'on puisse en faire quelque chose de bien. J'ai l'intention de vous parler assez souvent de contenu, et je n'aime pas ce terme, je pense qu'il cause énormément de problèmes, et je crois que toute cette semaine, à propos de convergence numérique, de métier d'édition électronique, on va voir dans quelle mesure la notion de contenu est assez utile pour penser notre problématique, mais est également une source de confusion et d'ennui. Et puis donc, j'en viens à produit, hein, là. Donc là, je biaise un petit peu, parce que quand vous entendez produit, vous pensez produit commercial, hein. Et moi, je pense produit d'un processus, hein, produit ou service d'ailleurs, hein. Et il me semble que le métier d'éditeur, comme l'a dit tout à l'heure Marin, ce n'est pas de fabriquer des objets, hein, de jeter des taches noirâtres sur de la fibre d'arbre réduite en pulpe, comme dit Bill, de manière assez provocante, hein, parce que quand je suis rentré dans l'édition, il y a quelque chose comme 25 ans, je ne me suis jamais considéré comme un fabricant de livres, même si la fabrication a été la chose qui m'intéressait peut-être le plus matériellement et un grand plaisir de l'éditeur, mais je considérais qu'un éditeur, c'était quelqu'un qui aidait des auteurs ou un projet à rencontrer un public en offrant sur des supports, hein, matériels, mais en offrant de l'information, des services, en rendant des services à un public, là où et quand le public en avait besoin. Et je crois qu'on aurait intérêt à reprendre cela. Là. Parce que dans les dilemmes de l'édition électronique que vous avez aujourd'hui, il faut véritablement que vous pensiez en termes de rôle. Et quel rôle les gens jouent vis-à-vis du livre. Une bonne partie des polémiques sur le numérique et le livre, c'est autour du piratage, autour du prix du livre. Là. Qui peut se poser ces questions-là? Ce sont des entrepreneurs qui gagnent leur vie, des employés, à vendre un produit qui est le livre, qui se trouve là. D'un autre côté, vous avez des gens qui s'inquiètent, traditionnalistes, sur le mais lira-t-on comme ailleurs. Ça, c'est pas forcément le problème d'un éditeur. C'est le problème d'un lecteur, c'est le problème d'un universitaire, c'est le problème d'un responsable politique ou de quelqu'un de responsable en politique de se demander qu'est-ce qui arrive à ce média qui est le livre dans le monde du numérique. Où est-ce que nous allons qui va pouvoir se poser des problèmes de lecture. Et si vous regardez un peu les conflits, là, tout ça se cristallise autour de termes trop flous. Là, qu'est-ce qu'un livre là. Là, moi, je le prends en termes de produit d'un processus éditorial. Alors, on peut passer là. En fait, je vais continuer à vous asséner un petit peu du vue personnelle du processus éditorial. C'est assez visible. Là, ça consiste à appliquer des opérations qu'on appelle de l'édition, qui vont partir d'un certain nombre de documents. Là-haut, j'en ai quelques exemples. Donc, de gauche à droite, vous pouvez avoir des produits de traitement de texte, en général numérique aussi. Vous pouvez avoir des images, des présentations. Vous pouvez avoir du manuscrit. Vous pouvez avoir des résultats de recherche. Tout ça, c'est la matière première du processus éditorial. On va y revenir au fur et à mesure avec en introduisant la notion d'auteur, que je ne dirai pas deux fois après les remarques de Marc Autret. Et ce qu'il y a lieu de faire pour rendre ce rôle-là, c'est d'arriver à produire toute une série de choses aujourd'hui. Bon, bien évidemment, quand vous parlez édition, livre, traditionnellement, vous pensez en haut à gauche à la première sortie, c'est l'édition papier. On va regarder dans quelques temps, dans cet exposé, comment le numérique s'est introduit très tôt dans ce processus de fabrication d'un produit papier, de l'édition papier. Mais le papier dans la colonne de gauche, ça va bien plus loin quand on est éditeur et qu'on fabrique un produit éditorial dans une entreprise d'édition. On a une vocation à fabriquer l'ouvrage, mais également à le commercialiser, le promouvoir. Vous souvenez peut-être là. Préparation de la publication au départ, fabrication du produit. Dans mon transparent suivant, vous voyez bien, préparation, ça va consister à prendre les documents, les mouliner d'une manière ou d'une autre, pour arriver à fabriquer le livre. Là. Mais si je reprends ensuite, référencement, promotion, commercialisation. Comment ça se passe dans l'édition? Ça veut dire qu'il va falloir produire de nouveaux documents, papier, on va voir aussi d'autres, mais qui vont servir à référencer, promouvoir, commercialiser le papier. On va avoir des variantes de papier, les résumés, les textes courts, les dossiers de presse, ça fait partie du processus éditorial. Vous allez avoir besoin de le référencer pour la commercialisation, mais ça c'est les catalogues. Il va falloir fournir de l'information en France, les livres disponibles, gérés par Electre et le cercle de la librairie, ou d'autres bases qui vont venir, ou des catalogues chez les libraires. Communiquer autour, la promotion, ce sont des documents. Ça fait partie du processus éditorial, c'est-à-dire que si vous avez une mission, comme je le disais, de publication, c'est-à-dire offrir votre produit à un public, à des conditions rémunérées ou non, vous avez à aller jusqu'au bout le faire. Dernier point sur ce premier transparent qui me paraît important, la dernière ligne, convergence numérique dans l'édition, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu, même si c'est un peu en dehors de l'industrie de l'édition, sur l'utilisation du produit. Enfin, c'est ce qui a été évoqué aussi bien par Marin que par Yannick tout à l'heure, autour de la lecture, des lectures numériques qu'on peut avoir, de l'utilisation, de la réutilisation, la citation, hein, là, parce que si on a une conception, à mon avis, correcte de son métier d'éditeur, on va aller jusqu'à prévoir, sans contraindre, quelles seront les utilisations de nos produits. Hein. Une des histoires ou anecdotes qui laisse un souvenir quand même dans une vie de quelqu'un qui a travaillé pour l'édition, en particulier dans le domaine du dictionnaire et de l'encyclopédique, c'est la période où un grand éditeur de dictionnaires français, se voyant piraté par un éditeur un petit peu borderline, qui recopiait beaucoup de définitions, données, nomenclatures sur les dictionnaires de l'autre, a envoyé ses avocats pour dire « Bon, il y en a assez, j'ai un copyright, j'ai des droits là-dessus, et je vais interdire à quiconque, sous peine de contrefaçon, hein, de reproduire des définitions de mon dictionnaire. C'est Larousse, moi, qui suis propriétaire de la définition de célibataire comme personne non mariée. » Bon. Il se trouve que quelquefois, il y a des juges qui ont du bon sens, ça n'est pas allé jusqu'au bout, et Larousse n'a pas pu protéger cette affaire-là. Mais c'était quand même très symptomatique d'une attitude de l'édition de livres, dans le rôle éditeur, protecteur des droits moraux et économiques des auteurs, ça là on peut sortir les médailles et les discours, d'en arriver à des dérives où on dénie au lecteur le moindre droit, hein, de faire quelque chose avec ce qu'il lit. Hein. Et si on a des définitions dans un dictionnaire, c'est bien parce que les gens vont pouvoir les utiliser. Hein. Là. Si dans un manuel scolaire ou universitaire, on vous donne des matériaux, on ne peut pas vous interdire de les représenter publiquement devant votre auditoire, parce que c'est bien le rôle du manuel d'arriver. Et c'est là que je pense, dans l'émergence du numérique, hein, bien que je rajoute cette ligne pour l'utilisation du produit, hein, c'est-à-dire qu'il faut penser l'utilisation de ce qui était nos livres, qui vient largement pour moi des produits. Enfin, j'ai trouvé des exemples un petit peu de ça, qui vient rentrer en convergence grâce au numérique. On ne peut plus l'ignorer. Alors, des exemples de produits d'édition un peu surprenants qui ont pu être affectés par le numérique. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? C'était du livre, le numérique est passé par là, hein, la fonction rempli par le livre existe toujours, et c'est plus un produit d'édition, au sens où on l'entend. Il y en a bien quelques-uns qui ont connu l'époque où on n'avait pas beaucoup de calculettes. Par contre, un étudiant en sciences, il achetait des livres, des tables des logarithmes, mais rien ça. Ah, c'était un livre, hein. Qu'est-ce qu'on vendait dans ce livre? Des capacités de calcul. Hein. Texas Instruments et Yvette Packard sont passés par là. Hachette Éducation, qui avait une rente assez confortable, avait imprimé chaque année des tables de logarithmes et éventuellement corrigé la énième décimale qu'un mathématicien fou avait démontré être fausse à la page 73. Convergence du numérique, là, dans l'usage, hein, dans le produit, dans les capacités. Adieu, mon beau livre, je ne sais plus comment ça s'appelait, le universitaire, la garde des Bichat, Surère. Il y a d'autres exemples hein, de tristes histoires de dans le numérique de l'art. Hein. Vous avez peut-être connu pour certains l'existence d'un éditeur et un imprimeur, hein, le métier du livre, hein, qui s'appelait Chex, qui imprimait chaque année des indicateurs de chemin de fer. Ah, fort intéressant, hein, comme activité. Vous avez des auteurs, hein, un auteur principalement qui s'appelait la SNCF en France, qui automatiquement donnait à l'éditeur Chex chaque année des bases de données. Ça c'est déjà des. Bon, vous avez probablement plutôt. Je ne sais pas si j'avais été en fiche perforée là, mais les bandes, hein, là, et Chex jetait ça sous forme de trace d'encre sur du papier, hein, et commercialisait ça gentiment dans toutes les agences de voyage, la plupart des grandes entreprises qui avaient besoin d'avoir des éditeurs chemin de fer, livre ou pas livre. Éditeur, un livre, hein, d'argent. Livre ou produit. Produit, à mon avis. Hein. À quoi ça sert un indicateur de chemin de fer? Ça sert à consulter les horaires, préparer les réservations. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'avènement du numérique, une convergence du numérique? La SNCF s'est aperçue qu'au fond, en tant qu'auteur, elle donnait les données, mais ensuite elle rachetait les indicateurs pour les mettre au guichet. Hein. Les polytechniciens dotés de quelques HEC à côté, il y a eu un jour où ils ont dû se dire que ils étaient un peu les mêmes à part, c'est qu'il y a eu surtout un énorme cadeau, hein, qui a été fait, la convergence, le moyen de réseau. Hein. Là, France Télécom, hein, nos PTT, soucieux d'augmenter la consommation téléphonique à des foyers, là, a inventé un truc assez génial, le Minitel. Là, ça veut dire que ça lui a permis de mettre des annuaires, hein, là, et ça lui a permis d'offrir des services aux gens à domicile, là. Et France Télécom a inventé un modèle économique également intéressant, c'est que vous payez à la consommation téléphone et France Télécom reversait le système kiosque une partie de l'argent qu'il touchait sur la consommation téléphonique à au créateur des produits, hein, ou des contenus qui étaient mis sur l'internet qui n'étaient pas consultés. Génial pour la SNCF. Avant, il donnait les données à Chex, il rachetait les indicateurs là, et France Télécom leur disait, vous nous mettez les données sur les serveurs, les gens viennent, ils vont me payer assez grassement à la consultation, hein, ceux qui se souviennent du Minitel, les déconnexions, faire une transaction, c'est presque aussi facile aujourd'hui d'utiliser le site de la SNCF pour faire une réservation. Ça, pas tout à fait, le Minitel marché mieux. Là, et on va reverser l'argent. Rupture de modèle économique, rupture de produit, qui a été liée à la convergence, en fait, d'opportunités éditoriales, de techniques, hein, avec des données numériques, là. Et également, grande rupture pour nous, les usagers, c'est qu'avant, bon, on pouvait consulter les horaires dans le livre de l'indicateur Chex, mais il fallait quand même passer au guichet pour faire la réservation. Et là, on a automatisé la réservation. On est passé d'une lecture, hein, consultation, à un éventuellement dit sur un bout de papier qu'on voulait le train de 17h16 pour Marseille à la gare de Lyon et aller au guichet. Là, on a pu faire la transaction complètement. Hein. Donc, je reviens un peu. Je pense que quand on s'intéresse à ces questions numériques, ces questions de publication, hein, on a intérêt à avoir dans notre arsenal de réflexion pour se demander comment ça va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'il y a des convergences d'outils, de techniques qui vont avancer, rajoutez-vous, hein, à côté de livres, hein, cette notion de produit ou de service, en disant, mais au fond, il y a des tas de livres, hein, des tas d'économies, des tas de droits de lecture, des tas de rapports aux livres, hein, et demandez-vous, avant de commencer à lancer un processus qui soit commerçant, industriel, intellectuel, pédagogique, pourquoi est-ce que j'ai besoin de publier quelque chose, hein? Comment est-ce que cette publication, hein, va être distribuée, hein? Comment est-ce qu'elle va être utilisée? Comment est-ce qu'elle va être investie par vos lecteurs? Et maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu de manière plus précise, plus centrée sur le métier de l'édition, en regardant. Donc là, je resterai maintenant un petit peu après cette tentative d'élargissement. Après tout, il y avait bien des amis qui faisaient des infrastructures globales et cybernétiques. Moi aussi, j'ai un peu élargi mon domaine. Là. Donc, un éditeur qui entreprend de publier quelque chose, hein, il va devoir à la fois fabriquer une interface avec ses usagers. Hein. À gauche, vous avez l'interface classique, encre sur papier. Hein. Il va aujourd'hui devoir faire de plus en plus à droite des formats électroniques dédiés. Hein. À gauche, vous avez le domaine du support classique, hein, où on reçoit le message en regardant, hein, sur l'objet matériel des papiers. À droite, c'est plutôt en regardant les écrans. Hein. Un gros contrat, ça n'est pas moins matériel, hein, que de fabriquer des données qui vont arriver et projeter quelques photons, rétroéclairer, réflexifs là, mais c'est quand même une matérialisation, une fabrication aussi. Hein. Donc, en haut à gauche, le papier, là, les formats dédiés. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se préoccupe de savoir si il faut éditer et aller jusqu'à faire du PDF parce qu'on pense qu'on consultera le produit d'édition, hein, également sur écran d'ordinateur. De plus en plus, on pense aux liseuses et autres tablettes. Hein, hein. Déjà un ancêtre, hein, décidément, je suis dans la vieillesse. Hein. La liseuse, c'est le premier modèle de Kindle. Là, c'est décidément ringard. Là, heureusement, Adrien, tout à l'heure, pourra vous montrer les derniers modèles qui ne sont même pas encore ainsi commercialisés en Europe de Sony. Nous arrêtons beaucoup plus rapidement. Mais également, ben, ça, c'est un iPod Touch, un téléphone qui n'est pas un iPhone. Hein, là, il y a des tas de formats qui arrivent. La convergence numérique, ça veut dire qu'il va falloir que notre processus éditorial, hein, prenne en compte ça dans la fabrication du produit. Hein. Mais aussi, donc, dans les fonctions générales, bien, vous avez donc à droite des équivalents des variants de papier qu'on a, le texte court promotionnel, le catalogue, la communication libraire. Bien, il y a depuis quand même un certain temps les objets d'interopérabilité, référencement, que sont les grands opérateurs travaillés avec les libraires. Hein. Et ça, c'est passé au numérique avant, hein, qu'on parle d'Internet, hein, avec Divicom, Electre, hein, là. Dans le domaine de la commercialisation, vous avez dû connaître à la page, certains, hein, à la page Patrice Magnard. Hein, au départ, c'est un des fils héritiers de la famille Magnard, l'éditeur, qui était en charge de la librairie qu'ils avaient au Quartier Latin, là, qui donc avait des problèmes de catalogue de sa librairie, et lui aussi pu arriver le Minitel avec un certain intérêt. Il dit, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas le catalogue de ma librairie et les éditions de papa, le reste, sous forme de base, consultable sur Minitel. Hein, avec un joli récupère en passant sur la librairie, en libre consultation, pour les passants. Pas un individu inintéressant, comme ça, là. Donc, outil numérique hein, de référencement, parce que aussi, alors, réfléchissez bien à ce que c'est que les produits livres, hein, ça a une grande vertu, hein, c'est que le livre, tel qu'on l'a connu en tant que papier, une des définitions qu'elle a rendue du Viola, mais une que j'aime bien, c'est dire un livre au fond, c'est vachement confortable, on ne sait pas ce que c'est, hein, une notion, c'est protéiforme, mais au moins, hein, avant, hein, on savait où ça se rangeait, hein, dans des rayons de bibliothèque, hein, on avait même des meubles pour ça, hein, où ça se lisait, dans l'église, on avait du livre, hein, dans cette bibliothèque, encore, quand même, des chevaliers des Pères d'Angoire, hein, où ça s'achète, où se vole, hein, dans des librairies, ou des rayons librairies, hein, et on contente plus ces trucs-là qui vont, hein, du livre en plastique pour enfants ou lecteurs, hein, jusqu'à, choisissez, le corpus des philosophes français de Fayard, la collection complète des annuaires de la Creuse de 1802 à 1820. Bon, des tas de choses, ça s'achetait dans les librairies, ou ça s'empruntait, ou le soleil, d'ailleurs, là, dans les bibliothèques. Hein. Convergence numérique, hein, là, aujourd'hui, donc là, on regarde un petit peu si c'est convergence numérique ou, comme tu l'as dit, éclatement hein, de quelque chose qui a été une sorte de conjonction de choses très hétérogènes pendant une période. Hein. Donc, moi, ça, c'est à chaque fois qu'on parle de la chaîne du livre, hein, c'est tout à fait contraire à mon expérience que, du point de vue économique et éditorial, j'ai connu des chaînes, des économies. Des livres, hein, qu'aujourd'hui on voit que ces attaques, ces questions qu'on pose au numérique sont assez divergentes et éclatent des domaines, des périodes et des questions différentes. Mais pourtant, bon, on a eu cette notion de livre là, mais qui ne serait pas grand chose d'autre hein, que lire. On a vu que ça s'attachait à des endroits, ça se rangeait à des endroits, ça s'empruntait à des endroits. Là. Et alors, effectivement, la technologie du codex. Hein. Mais je rappelle qu'un codex, un cahier d'écolier qui a fait, c'est aussi un codex. Hein. Et c'est imprimé aussi, il y a une mesure. Là. Ça, donc, on a les questions de référencement, évidemment, le grand domaine derrière, c'est que pour consulter les catalogues, il faut trouver les livres, hein, pour pouvoir les feuilleter. Hein. Grande innovation, mais qui a été prise en compte depuis un certain temps, en particulier grâce à Amazon, hein, là, c'est la recherche full text. Hein, pour le chercher sur un catalogue, pour avoir accès à une quatrième de couvre ou un résumé, et éventuellement aller consulter le crédit. On a eu le bon ton d'expert, il y a là maintenant cette idée que la structure du livre, le contenu du livre, ça doit rentrer. Hein, et la grande rupture a été clairement Amazon Search Inside, où Amazon a vite montré que quand on donnait de la consultation, on vendait mieux. Hein, et ça, quand vous adressez à des commerciaux d'une entreprise d'édition, et que vous montrez que le taux de transformation de la visite augmente les ventes. Ensuite, les commerciaux savent aller retrouver les éditeurs pour dire « Dites, là, vous avez vu, c'est important d'avoir un accès au texte, là, les formats, là. » Et dernier point également, quand on a un processus éditorial, qu'on soit dans le cadre d'une entreprise ou d'édition universitaire, l'archivage à long terme, et dans le domaine numérique depuis un certain temps. C'est-à-dire que quand vous avez publié quelque chose, hein, il va falloir vous assurer que cette application reste valable, disponible. Il s'agit de documents. On va revenir un petit peu sur cette notion de document aussi. Vous voyez un peu le paysage là, hein? Le métier d'éditeur au sens plus restreint qu'on a là, ça consiste à mettre en place un processus qui va partir des auteurs ou d'autres documents, hein, pour arriver à fabriquer ou à remplir toutes ces fonctions. Voilà, hein. Préparer le document à publier. Le publier, pour le publier, il va falloir le promouvoir, hein, le pérenniser, hein, le diffuser, hein, et il va falloir que également il puisse servir à quelque chose. Tout ça, hein, c'est une préoccupation d'un éditeur et d'un éditeur numérique ou électronique aujourd'hui de plus en plus. Alors, je vous ai déjà rappelé quelque chose, mais j'aimerais bien vous introduire un certain nombre de points sur l'intrusion du numérique dans l'édition. Hein. Ça ne va pas nous rajeunir les ancêtres de la salle, là. Hein. Mais aujourd'hui, vous devez tous vivre dans cette douce idée reçue que les éditeurs, en particulier les éditeurs français, n'ont rien compris à l'arrivée du numérique, ils sont en retard, vraiment jamais. Hein. Oui, d'un certain point de vue. Ben, non, d'un autre. Hein. Comment est-ce que le numérique est entré dans l'édition? Ben, il est entré depuis longtemps dans ces métiers-là. Hein. Il est entré massivement dans les années 70 avec le phénomène de la photocomposition. Hein. C'est-à-dire que pour arriver à faire une des fabrications, comme cet excellent ouvrage, il faut arriver à composer le texte pour l'envoyer à des machines à imprimer. Et bien, dans les années 70, on est passé dans l'industrie massivement à un système dit photocomposition où on s'arrangeait avec des numériques, hein, analogiques, mais numériques en amont, hein, pour créer des formes impressionnantes. Et ce monde est passé très vite là-dessus, avec beaucoup de problèmes à régler. Hein. Mais là, si on parle à nouveau de convergence, d'énormes avantages, hein, c'est qu'on a pu avoir une homogénéité des formes d'impression grâce au numérique et des réseaux. C'est-à-dire qu'on a pu acheter des fonds de caractère, on n'a pas eu des tributaires de systèmes avec un ou métal, comme on l'a connu auparavant, et on a commencé à toucher à ça et à se dire on va piloter des machines qui vont faire fabriquer les formes à imprimer. Là. De fil en aiguille, ça a traîné là, puisqu'il fallait envoyer du texte à composer, il a fallu envoyer du élément et on a commencé à avoir des traitements de texte. Hein. Ça, c'est dans les années 75-76 qu'on a vu arriver toute une série. On a eu besoin de faire de la mise en page. Ensuite, il a fallu avoir des logiciels qui ne sont pas en train de faire des lignes, voilà. Mais des mises en page avec de l'illustration. Et on a vu arriver Ventura, Xerox, avant Quark Express, là-dedans. Et ça, c'est dans les années 80 que c'est arrivé. Hein. Ça a complètement bouleversé le métier d'édition. Hein. Quand je suis rentré chez Hachette, j'ai encore connu le moment où on était déjà dans la photocomposition, mais on m'a envoyé la composition en manuscrit préparé à un photocompositeur qui avait des clavistes, mais on pourrait taper le texte, hein, là, envoyer ça à une machine qui, elle, faisait la composition, la rupture humain-machine se passait à cette époque-là, la machine projetait en fait les tracés de caractère et, là, sur un film. À partir de ce film, vous pouvez tirer des preuves, et deux, trois jours après avoir envoyé la copie, un coursier arrivait avec une pile d'épreuves pour que l'éditeur puisse corriger. Hein. latex à la maison du solvant était ainsi maintenant là, hein. Ça, j'ai connu ça à la fin, là, où la colle, les films, alors entre deux éditions et décorations, on collait des films sur des bouts de films, c'est bien que ça devenait un peu effet, donc on contre-typait les films, enfin il y a. Il y avait bon, le cutter, règle, et tout, c'était un métier très manuel. Hein, là. Et bon, ça, quand la grosse structure est arrivée, Apple est arrivé avec des écrans graphiques, des fonds de caractère, hein, de l'écriture en noir sur fond blanc, hein, et des traitements de texte, des premières versions Word assez correctes. Hein, là, il n'y a pas eu photo, ça a fait basculer vers le numérique, parce qu'on a eu des outils hein, qui permettaient d'épargner pas mal de travaux. Bon, pendant la guerre, donc, on a vu le 85-86, en gros, c'est la grande pénétration des studios BAO et voire Express, hein, ça s'appelait juste Express à l'époque. Où on a pu ne plus monter en découpant des petits bouts de papier ou de film, mais en faisant du montage virtuel. Hein. Qu'est-ce que ça a impliqué quand même, dit ça hein. Une autre histoire par derrière, c'est que pour piloter ces machines, il fallait leur donner des ordres. Hein, là. Et c'est l'époque aussi où IBM a créé le premier des langages en ML, que vous avez avoir un petit peu entendu, hein. ML c'est pour Markup Language, hein. Un balisage, hein. Et on s'est préoccupé de piloter ces imprimantes, ces systèmes de photocomposition automatiquement. Dans ma voilà, j'ai un copé, j'ai un texte, hein. Mais si c'est un titre là, comme vous avez en haut de page, pour tout le, là où j'ai dit le chapitre, c'est pas la même typographie. Hein. J'ai le texte, hein. Il faut que je guide la machine, tu vas changer d'état, hein. Tu vas être dans l'état de faire en gros caractère, peut-être dans une autre police. Et à l'époque de la photocomposition, ben, le texte était préparé à la machine à écrire éventuellement. Surligné, on avait déjà le stabilo, hein, là, avec un code couleur. Si je mets un gros trait vert sur qu'est-ce que le livre a l'heure du numérique, ça veut dire que c'est un titre et que madame la claviste de l'atelier d'autocomposition, vous allez vous débrouiller pour votre machine à l'écrire ça gros, hein, là. Et puis, le stabilo, c'est rose, un peu plus, hein, là. Et le reste, c'est du texte là. Pour piloter automatiquement les machines, à l'époque, on avait des gros claviers avec des touches qu'on pouvait définir ou m'appuyer sur une touche, la touche rose ou la touche verte. Hein. Et c'était paramétré par l'ingénieur informaticien du lieu qui savait dire à la machine, va chercher le disque de la fonte de port 18 là et tu vas m'imprimer. Pour ça, IBM a inventé un langage qui s'appelait GMM, hein, General Markup Language, qui était un système qui avait tendance de dire je vais avoir mon texte, hein, donc je vais choisir que je vais le chapitre, portrait du pirate de l'observateur de bibliothèque, hein, ce texte-là doit être un titre. Hein, et on va appeler ça titre éventuellement. Hein, et on va dire oui, c'est terminé, pour que ensuite la machine puisse aller chercher la bonne police de caractère pour que je reste aussi bon. Ça vient de cette époque-là, alors ça a évolué ensuite. C'est intéressant pour les standards. IBM a eu l'intelligence de comprendre que c'est très bien que ça marche sur les machines IBM, mais ça aurait beaucoup de succès si n'importe quel fournisseur de photocomposition ou de traitement de texte, un industriel domaine, avait accès au domaine. Et on a fait un standard qui est passé à ISO, le Standardized General Markup Language, la SGML. Qui est venu, convergence numérique, un outil pour toutes sortes de gens. c'est que le gouvernement américain, et en particulier le Pentagone, avait un problème sérieux, hein, non pas d'édition de livres au sens moi, rare, je ne refuserai pas le manuscrit du côté de chez Swann parce que je suis plus astucieux que la famille Gallimard, là, mais un problème un peu plus concret aussi de l'édition, enfin, leur produit, le livre, comme ça, c'est que quand on vend d'abord subite à des endroits variés à travers le monde et qu'on achète des armes, hein, il faut des manuels techniques d'entretien, de manipulation, hein, de référence tirée là-bas plutôt qu'ici, là, et cette documentation est très compliquée à établir. Et le Pentagone a passé un accord un jour en disant, mais voilà, si vous voulez nous fournir des armes, la documentation technique, au lieu d'arriver dans n'importe quel format divergent, hein, alors, ce sera automatiquement écrit en SGML. Et en plus, là, on va vous dire comment structurer vos manuels. Ce sera avec une DTD, une description, une définition de type de document précise, ça fait CALS. Hein. Ça, ça donne un petit coup de pouce d'abord à la fourmilière des fournisseurs d'armement. Hein. Si vous imaginez le petit atelier des spécialistes dans le tournoi de Présentita, j'ai connu ça à Nantes, là, et à qui on arrive un beau jour en disant bah, d'ailleurs, maintenant, si tu veux continuer à vendre de ADF de service ou d'assaut de service, non seulement il faut que tu saches continuer à exiler ou y contrer les pièces, mais il faut que tu les documentes et tu vas avoir besoin d'utiliser un système aussi convivial qu'un système GML, là-dessus. Ça en a rendu quelques-uns un peu verts, quelques-uns qui ont disparu, là, mais ça a créé des emplois. Hein. C'est que nos photocompositeurs qui travaillaient par derrière sont dit, mais voilà, des nouveaux systèmes d'expertise, on va offrir de la service, des services d'édition structurés. Hein. Alors, vous connaissez un peu le monde de la photocomposition? Non? Pas vraiment? Là, il y a un imprimerie, là. Bon, nom de Norcompo, Jouv, MCP, voilà. Hein. Bon, Jouv, qui a bouffé MCP, est un énorme chiffre d'affaires à travers le monde dans la documentation technique, et est un des acteurs qui disent aux éditeurs, vous voulez faire de l'édition structurée, venez chez moi, je sais en faire. Hein. Tout ça remonte doucettement à une décision administrative et commerciale, un très grand équipement. là, la décision de faire de l'édition structurée, interopérable, convergente. Là. Quel est l'intérêt pour le système? C'est qu'une fois que c'était encodé en SGML, ben, ça pouvait venir du fournisseur machin d'un minuscule atelier de la région nantaise. Des énormes centres de recherche de Dassault et autres là, toutes ces documentations devenaient utiles, interopérables, convergeaient hein, parce qu'elles étaient décrites et structurées de la même manière. Hein. Donc ça, cette histoire SGML, XML, là, alors elle nous intéresse plus particulièrement dans ce cadre-là, et c'est beaucoup plus agréable, surtout à Marseille, de rendre hommage ici. Au monde universitaire qui s'est très vite emparé de ces techniques pour faire, en disant, mais c'est absolument faible, nous avons un patrimoine imprimé ou pas hein, considérable. Notre mission d'universitaire et de chercheur, c'est de le conserver, de le pérenniser, de le transmettre hein, et de le décrire également. Hein. Trouver des fonctions que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, et il y a une initiative internationale dont l'un des grands acteurs est Jean Véronis, qui est enseignant ici à Marseille, la TEI, la Tech Sécurité Initiative, où à côté de CALS, qui sert à faire la documentation technique d'objets contondants, la TEI s'est donnée pour mission d'arriver à décrire à peu près n'importe quoi. Qui a été jeté à un moment ou à un autre sur un bout de papier ou de parchemin. Hein. Je les soupçonne même d'avoir des parties de la TEI qui pourraient décrire des tablettes de cire romaine. Là, il y a des parties pour faire de l'épigraphie. Hein. Et des modèles reçus par les universitaires pour arriver à décrire aussi bien la structure d'édition d'un sonnet de Shakespeare hein, que une pièce de théâtre, que un article de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, là, et c'est venu dans ce domaine-là. Un nouveau point de convergence à travers ces techniques numériques, ces notions de balisage, hein, arriver à avoir des outils hein, qui permettent, dans le temps et dans l'espace, de communiquer des documents, qu'on comprenne comment ils sont structurés, hein, qu'on puisse les manipuler, se les approprier, hein, commodément. Que ce soit pour les réimprimer, hein, pour les citer, hein, pour les lire, pour, hein, sur d'autres supports. Hein. Ça, l'édition l'a vu, hein, la preuve, hein, j'ai entendu parler de Jean Véronis, je ne sais plus en quelle année, je l'ai rencontré au détour d'un projet d'édition de dictionnaire bilingue. Ainsi que vous, Bernard, que vous allez voir là, qui est aussi un des grands acteurs de ce monde-là. Donc, ensuite, je surveille l'heure parce que. Là, autres éléments qui ont introduit une grosse convergence dans nos outils pour faire de l'édition et de la transmission. Et on a déjà parlé des écrans graphiques, hein. ça a changé les choses, hein. C'est-à-dire que c'était drôlement loin hein, du confort de l'édition. Quand on avait des petits caractères verts ou orange marronasse sur un fond noir fluctuant, et qu'on n'avait pas de motif de caractère, il y a eu même la douce époque où, quand on voulait faire un caractère accentué, c'était pas possible, simplement. Hein. On pouvait éventuellement essayer de tirer à la machine. Si toi tu connais le E à son début, tu vas en mettre un là. Hein. Mais c'est pas tout de suite ça. Hein. Là. Donc les écrans graphiques, là, les fontes, les phénomènes d'anti-aliasing qui nous permettent de présenter les caractères correctement à l'écran sur nos matrices, tout ça, là, des choses absolument indispensables à prendre en compte, c'est que là, je parle. Visualisation, restitution, je parle de caractère, et derrière, on passe au script, la tête, mise en page, hein, mise en page dans les deux dimensions, et puis dans le texte linéaire. Mais on a besoin, à ce moment-là, de décrire la géométrie de la page, parce que il reste que, quand vous lisez, hein, on a beau parler de flux, de lignes, là, vos yeux, dans la lecture, hein, analyse la page dans ces deux dimensions, hein, hauteur, largeur, hein, songez à lire un tableau, songez à lire une formule mathématique, hein, une fraction, hein, si votre œil n'enregistre pas la hauteur, hein, et dans des coordonnées cartésiennes, vous n'avez pas identifié, hein, quand on n'avait pas encore des formes graphiques de façon proportionnelle, vous pouvez essayer de mettre une ligne. Hein, là, on avait un peu trois. Ensuite, avec en dessous, on dirait que je vais mettre plein de blancs. J'ai tâché d'aller caser un trait horizontal en dessous du 3. Hein. Puis ensuite, là, je vais mettre mon demi sur la troisième ligne. Hein. Sur une machine à écrire, quand on préparait avec des machines à écrire comme ça, comment se débrouiller pour faire ces choses-là, il a fallu avoir des choses. Et là, il y a des choses qui sont apparues aussi dans la communauté des scientifiques qui se sont dit, mais il nous faut absolument des choses pour le faire, avec tout le monde de tech et la tech. Pour la composition mathématique. Ça aussi, c'est entré dans l'édition dans les années 80-90. Hein. Mais c'était toujours tourné vers des outils de facilitation du travail à mot hein, pour faire une fabrication et arriver à jeter de l'encre sur du papier. Alors, autre point intéressant à regarder, là, donc, fin des années 80, début des années 90, on a des supports et les écrans se sont image en temps réel de la vidéo et de restituer du son avec des cartes de son. Et cette période, on parle de multimédia, multimédia interactif. Et ça, c'est sympa. Les éditeurs, directement, parce que c'est attaqué très fort sur le marché des encyclopédies, hein, par Microsoft en particulier, avec Elgato. Et donc le numérique force, à la fin des années 80-90, un certain nombre d'éditeurs à se poser la question de, du numérique et des autres médias là-dedans. Est-ce que c'était tellement original chez les éditeurs? Non, pas tellement. Hein. C'est-à-dire que moi, je travaillais à l'époque donc chez Hachette, en particulier pour Hachette Éducation. Ça faisait longtemps que chez Hachette Éducation, on ne faisait pas uniquement du papier, hein, les méthodes de langue vivantes. On a vite appris à faire des castings, des enregistrements, aller trouver des duplicateurs de bandes magnétiques, hein, et faire des cassettes Philips. Avant, j'avais fait des disques vinyles, puis j'ai fait des CD. Et à cette époque-là, on s'est mis à commencer à manipuler à l'édition plusieurs médias. Et donc, c'est l'époque où moi je suis devenu responsable de la coordination au niveau d'Hachette Livre, de ce qu'on appelait donc, le multimédia, où je voyais arriver les éditeurs qui me disaient « Je veux un multimédia de catalogue. » Moi, vous faisiez à chaque coup râler en disant « Multimédia, c'est un adjectif. » Je ne sais pas ce que c'est. Là, si vous me dites, je veux faire un CD-ROM, là, je vais comprendre là. Là. Et puis, alors, d'autre part, je veux un multimédia, un catalogue. Enfin, tu sais faire de très bons livres, de très bons services. Là, pourquoi diable est-ce que tu veux aller faire un petit truc où vous allez avoir dans un quart d'écran du time une vidéo très sautante, donc on prétend que c'est Neil Armstrong qui met pied sur la Lune, là, comme tout le monde, hein, là, qu'est-ce que ça va apporter à ton produit? Ah oui, mais je peux le faire. Bon, c'est très bien. C'est un budget promotionnel. Pas un budget d'édition, mais ça va aider à promouvoir, peut-être pour très bonne raison, l'encyclopédie, attirer la curiosité, ça, et bon, quand on a fait la pédagogie, on ne réussit pas à utiliser des moyens détournés pour capter l'attention, on en revient à l'histoire de l'attention, déjà, si les technologies numériques sert à donner de l'attrait à d'autres tâches plus cachées éducatives, pourquoi pas le faire là, mais quelle est la valeur du texte? On a appris peu à peu, à cette époque-là, à faire des produits, on s'est lancé, on a fait des collections de CD-ROM. Ça, c'est donc moins effondré, le web est arrivé ensuite. Là. Derrière moi aussi, le web était quand même rentré historiquement il y a un certain temps dans l'édition, et ça, très tôt, avant. Par l'internet et autre chose, c'est avec l'échange de données informatisées. C'est-à-dire que les prises de commande d'un libraire, hein, ils ne prenaient pas souvent leur téléphone pour remplir un bon de commande, mais assez vite, ils ont eu des systèmes où ils pouvaient taper sur Mitel, en particulier des lignes de commande qui étaient expédiées à des entreprises qui savaient trouver la disponibilité et faire passer automatiquement toutes les lignes des commandes, là, Mourpa, le grand entrepôt de distribution du groupe Hachette, là, avec un énorme système d'échange de données informatisées, toutes les lignes, les ordinateurs pouvaient traiter les commandes, savoir comment faire sortir des rayons les ouvrages et les expéditions. Ça, c'est ce qui est devenu aujourd'hui d'abord politique, hein, c'est une norme de commercialisation du livre, là. Et là, les éditeurs voyaient très bien l'avantage de faire du travail collaboratif en numérique, parce que un libraire voulait s'adresser à n'importe quel éditeur pour faire servir ses clients, donc il fallait un langage commun. De même, un éditeur peut s'adresser à tous les libraires, hein, sauf s'il est France Éditions et s'il a une politique de club. Hein, mais on avait ce rôle fédérateur des technologies numériques qui permettait là. Donc, avec photocomposition, traitement de texte, mise en page, d'aller trouver n'importe quel fournisseur à travers le monde et d'avoir un langage commun. Hein. Avec HTML et UI, pouvoir transporter hein, ces descriptions, ces structures et se rapprocher à des normes, hein, des standards, là. Des dispositifs qui permettent de représenter aussi clairement possible le travail éditorial, hein, là, des incursions vers d'autres médias, hein, et des incursions dans l'échange, la transaction commerciale dématérialisée avec le DI. Hein. Ça, c'est en place, hein, à travers le monde, en gros 90-90. Hein. Là. Ensuite, Internet est venu quand même pas mal. Donc, comment s'organiser pour remplir ces fonctions-là, hein? On a en fait une langue générale de numérique, hein, là. Mais maintenant, de même que j'essaie de vous convaincre que le lit, ce n'est pas unique, mais c'était une multitude d'aspects du produit, hein, là, j'ai dit que numérique, c'est la convergence numérique pour l'émission, ça veut dire qu'on est toujours dans le numérique. Et ça, c'est le facteur générateur. Hein. On se donne. Hein. Mais derrière, on a une multitude d'outils métiers, hein, de fonctions métiers à mettre en œuvre, et chacune a son niveau. Hein. On va en voir quelques-uns. Vous allez en voir dans la semaine. Là, c'est que il ne suffit pas de dire c'est numérique et tout va bien. Hein. C'est à quoi ça va servir cette langue, à quoi ça va servir ce numérique, comment est-ce que ça va se rematérialiser, comment est-ce que ça va être communiqué, quels sont les protocoles. Là, là, un système de communication. Un idiome, c'est un système de communication. Une langue, c'est un système de communication. Il faut qu'on soit d'accord sur au moins les parties du code entre deux personnes pour qu'il y ait un phénomène linguistique, un phénomène de communication. Des protocoles d'échange qui sont extrêmement importants et aujourd'hui, qui, à toute allure, passent au niveau du monde. Alors, comment ça s'insère, hein, dans nos affaires, là? Je reprends là donc quelques schémas sur ce qu'on appelle une chaîne d'édition structurée aujourd'hui. Très schématiquement quand même, vous avez un aspect, les créateurs à gauche, donc rédacteurs, auteurs, qui vont faire du texte, donc le manuscrit initialement. Aujourd'hui, on est dans un monde multimédia, donc il n'y a pas tellement de l'illustration, donc il y a des iconographies. Et là, ça, c'est, vous êtes à mon schéma avec en haut, les documents de départ. Hein. Et là, j'insiste, ce sont des documents qui vont circuler. Enfin, on est dans un monde de communication. Hein. Et je serai extrêmement sévère avec quiconque ne parle pas de dématérialisation, de virtuel. Pour moi, on parle toujours de quelque chose qui doit faire référence si on communique. On est dans le domaine d'un symbole qui va être confronté entre deux personnes. On a fatalement une notion de document. Il faut un code et il y a une matérialité à laquelle on va devoir se reporter quand on va parler. L'œuvre de l'auteur, tant qu'elle est dans sa tête, connaissant, hein, quand elle est jetée sur un bout de papier, éventuellement enfermé dans une enveloppe déposée à la Société des gens de lettres. Je ne te montre pas mon manuscrit, mais j'écris sur l'enveloppe « Ceci est l'œuvre maîtresse du XXIe siècle. Hein. » comme j'ai peur qu'un méchant, hein, éditeur, un méchant pirate aille me voler mon idée d'œuvre, je l'ai mis sous l'enveloppe, hein, je l'ai déposé là, hein, et là. Évidemment, notre auteur, il va quand même aller trouver un potentiellement très méchant éditeur en essayant de lui intéresser dans le point du poids et lui dire que tu ne voudrais pas mon truc là parce que j'aimerais quand même être publié. J'ai une œuvre géniale dans ma tête là. Comment est-ce qu'il va lui montrer? Il ne va pas lui ouvrir son cerveau, même si les communiciens pensent quand même arriver à travers une aspect technique à représenter la pensée humaine physiquement. Faut bien, c'est un support, ça va devenir un document. Hein. Ce document, s'il y a une tige, qu'est-ce qu'il va être, à quoi va servir l'enveloppe que vous avez à l'FGDL, hein. Elle va servir à confronter, hein, c'est une étymologie de symbole même, hein, le document en disant c'est la même, c'est pas la même. Il y a plagiat, il n'y a pas plagiat. Hein, il y a vol des manuscrits là. On est dans le même des documents. On va partir de documents, là, iconographie ou vidéo, ça c'est des documents. Hein. Et comment est-ce que vous consultez un document? Ben, c'est quand il est sous une forme matérielle. Je vous rappelle que là, ça change tout le temps. C'est ça qui donne une impression de flux ou de dématérialisation. Mais il y a bien un moment où cet écran, il est dans un état physique, il envoie des photons de l'éclairage, et il est à un endroit précis. Hein. On circule, et je pense que c'est assez commode pour nos problèmes, de document en document. On a un document numérique, c'est un document comme un autre. Et là, j'étais sensible à ce que Yannick disait tout à l'heure sur ce rôle, hein, d'arriver à assurer la pérennité et la référence de ce que l'on publie. Hein. À partir du moment où on publie et on est éditeur, on doit assumer une référence, donc l'identification, là, et une sorte de fonction de la preuve, disant oui, c'est bien le document que je pensais. Hein. C'est tout autre chose que d'ouvrir une place avec un flux qui change sans arrêt et qu'on ne regarde pas. Hein. Donc, on a nos auteurs. Dans le processus traditionnel, ben, ils discutent avec un éditeur et au centre, on a tout ce que j'ai appelé ce processus éditorial qui va également dans la dernière colonne à la fabrication, la rematérialisation ou la redocumentarisation que nous avons. Alors, le processus classique ici, hein, c'est on a des gens qui nous fournissent des documents, souvent sous forme numérique, qui vont passer à quelqu'un qui est responsable d'assurer le cycle, parce que peu d'auteurs ont les outils et les compétences pour assumer toutes les fonctions que nous avions sur notre premier tableau. Hein. Et ils vont donc discuter. Là, il y a des phases de relecture-correction. Hein. Typiquement, hein, c'est, j'aimerais bien illustrer cet excellent ouvrage hein, là, avec la photo Hubert Guillot, hein, mais moi, Hubert Guillot, je ne connais pas. Hein. Je vis entre New York et San Francisco. Hein. Là, monsieur mon éditeur, est-ce que vous pouvez m'aider hein, à trouver la photo du Verdillo hein. Là, donc on va faire la lettre de Renard, vous voyez l'image là. Et l'éditeur, c'est bien son boulot, il va prendre l'image, lui il ne connaît pas le Verdillo non plus, mais il va tâcher de demander à quelqu'un est-ce que c'est bien le Verdillo hein, là. Et non pas Alain Pierrot ou Marin Dacos. Là, est-ce que c'est la. J'ai pu bien me dire pendant plusieurs années, après la légende Saturne sur Jupiter et vice versa. Ça, c'est un peu désordre, mais. Beaucoup plus difficile, la tablette cunéiforme qu'on va orienter. Ça, c'est dans quel sens cette bête-là? Là, bon. Là. Donc, relecture-correction, il y a une autre chose là aussi. Bon, nos auteurs, ils ont besoin d'être là. Donc, il y a des circuits où l'information circule. Très typiquement, là, dans la chaîne, on fait la recherche du cordon ombilical à ce moment-là et on va passer les données dans des choses assez ésotériques, comme du XML, là, qui vont être très commodes pour communiquer avec la fabrication, à ce que la pérennité. Hein. Mais pas forcément très commode pour parler hein, avec l'auteur qui a sa culture et dont les préoccupations de pérennisation, de métadonnées, de choix de la police Bodoni quand 24 met chez tel fondeur parce qu'elle a en fait des unicodes. Comme on se doute qu'un autre auteur en un livre va avoir envie de faire du, de l'épigraphie grecque, et va vouloir avoir un diagramme, un compa épigraphique dedans, ça n'intéresse pas vraiment l'auteur. Hein. Ça intéresse beaucoup notre éditeur, ça intéresse beaucoup notre fabricant, et ça va se passer du côté du XML. Ce genre de sophistication là-dedans. On coupe là, hein, là. Donc, derrière. Le numérique va nous aider à faire circuler l'information. Ça va être notre langue commune, mais l'idiome que nous allons utiliser entre iconographe, auteur et éditeur, c'est pas forcément le même idiome que nous allons utiliser ultérieurement. Hein. Ici, on peut parler de l'ODEL, par exemple. Hein. On ne montre pas les mêmes aspects d'ODEL à l'auteur ou aux gens qui vont entrer en formation, il y a un atelier cette année, hein, donc des débutants principaux, hein, et à, par exemple, la même il ne va pas vouloir recevoir un copie d'écran, il va recevoir ce que j'aurai envoyé PDF directement. Voilà. Donc, l'idiome de communication entre. Alors, c'est toujours du numérique, hein, mais c'est un idiome et peut-être même un dialecte de PDF qui permet de communiquer avec l'imprimeur. Et l'imprimeur, lui, il a des machines qui vont savoir arriver à redire comme il dit, à faire des tâches sur le cube de l'arbre. Plus ou moins blanche. Voilà. Donc ça, Jen, là, et là on remplit notre première fonction, ça on avance relativement bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, parce que en fait, hein, le. Il y a énormément de boucles de rétroaction et de décision. Si on est capable, avec un auteur, d'arriver à le convaincre, tu fais ton manuscrit, hein, je m'occupe de tout le reste, hein. Là, c'est que vous avez des auteurs qui sont vachement bien élevés, hein. Félicitations, hein. Là. Probablement, c'est pas le premier ouvrage que vous éditez avec eux. Ou alors vous avez un charisme pour leur donner une confiance, hein, qui est remarquable. D'autre part, c'est probablement que vous êtes très imprudent. Hein, parce que pour arriver en aval de notre phase de relecture-correction jusqu'à fabriquer ça, hein, il y a probablement des paquets de décisions à prendre qui ne sont pas de votre ressort, mais qui sont qui engagent la décision, l'expertise de l'auteur. Hein. Là. Exemple relativement classique, hein, de décisions qui sont prises en aval au moment où on fait de la mise en page, par exemple, hein, et qui impliquent l'auteur. Vous avez des contraintes dans un certain nombre de cas, hein, de co-occurrence. Si vous illustrez un article de dictionnaire, hein, là, sur une double page, là, vous pouvez avoir établi comme contrainte, parce que c'est commode, que l'illustration doit être sur la même page que l'article. Hein. Bon, vous avez un article un peu longuet qui arrive en bas à droite de votre page de droite. Là. Vous mettez l'image, ça chasse le texte. Vous tirez l'image, elle est à la page derrière, là. Comment est-ce qu'on fait la lexicographie dans ces cas-là, hein? Eh bien, on va retrouver le lexicographe qui est leur auteur, et on dit, mais coco, là, il y a un problème. Ou bien tu dis, je peux supprimer l'illustration, hein? Ou bien tu changes le texte et tu le fais un peu plus court. Hein? Alors, l'éditeur, il prend le lexicographe, prend sa page en disant, voyons, où est-ce que je peux abréger un peu, est-ce que je ne pourrais pas supprimer l'article de Nicolas Sarkozy au-dessus, qui est quand même. Caduque, là, j'ai quand même bien envie de mettre la photo par un bateau dans la même page. Là, et décision, là, c'est pas le metteur en page ou l'imprimeur qui peut la prendre, cette décision. Ça va remonter jusqu'à l'auteur. Bon, exemple beaucoup, beaucoup plus sérieux, le vécu, hein, qui va nous ramener à l'édition électronique, il y a des années, il est apparu. Le premier ancêtre pour moi du dispositif portable de lecture qui était censé lire ce qui s'est appelé peu à peu des e-books, hein, au sens de livrette, hein, donc pas au sens de liseuse. Là, c'était celui qui faisait ça, hein, petit machin qui pesait 400 grammes avec des grosses batteries de caméscope, un écran, je sais pas, grand comme ça, de 10 lignes en noir sur un contraste qui fait paraître un Kindle. Ligne d'un papier éblouissant. Là. Et Sony a voulu qu'on mette des produits, hein, il y avait un mini disque CD à l'intérieur, hein, pas mal de données, quelques fonctions de recherche. Premier ancêtre d'un dispositif normal pour apporter l'information. Là. Et là, voilà, on voudrait faire un appel des médicaments. C'est très commode pour les médecins. Les médecins, ça a bien les gadgets, ça a de l'argent, les gens ne peuvent pas nous faire juste en deux. Là. Et. Il faudrait être vital là-dessus. Ah ouais, là. Les dirigeants de Vidal sont arrivés avec la Zambris. C'est vrai que c'est très très bien, c'est très commode. Mais attention, il y a des contraintes. Hein. Pour qu'un médecin puisse expédier d'aller dans le Vidal pour vérifier l'incompatibilité de deux médicaments en cas de multitraitement, hein, faut pas qu'il perde de temps. Hein. Donc, il faut que toute l'information sur les médicaments tienne sur au maximum une double page parce que le médecin n'a pas le temps de tourner la page. Et beaucoup plus grave encore, si jamais on essayait de mettre par exemple une contre-indication d'un médicament au verso d'une page, hein, s'il y a un pépin, hein, les médecins vont se retourner contre le Vidal en disant oui, j'ai tué le patient, hein, mais c'est que j'avais pas vu qu'il y avait des contre-indications à la page derrière et qu'on disait qu'il fallait pas mettre de fièvre dans sa potion là, là. Et ça, c'est un fait réel. Pas sur notre histoire d'édition électronique, mais ça est suffisamment nouveau et connu à travers le monde pour que l'agence pharmaceutique et éditeur de guide des médicaments introduisent des contraintes fortes sur la visibilité. Là. Qu'est-ce que vous faites quand votre auteur, qui peut être un agence pharmaceutique, arrive avec une formule chimique bien sûr 15 lignes et que ça chasse le texte? Il va falloir prendre des décisions. Des décisions qui sont cruciales. Ce n'est pas du ressort de dire moi, je suis pris par la formule, ou offre les contre-indications, ce n'est pas très important, au fond, je vais, on va les supprimer. Ça, ça remonte à l'éditeur, ça remonte à l'auteur. Hein. Donc il faut qu'on ait des circuits complexes comme ceux qu'on représente là, avec des flèches en retour, qui viennent là, et qui permettent de donner des documents, hein, de travail sur lesquels les gens puissent prendre des bonnes décisions. Pour arriver à publier, in fine, la bonne publication, celle qui rendra les services qu'on attend. Hein. Et ça, ça devient très compliqué, là, parce que comme on a changé l'idiome, là, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme élément, hein, et comment rester économique? Ben, le numérique, là, ça nous a donné des facilités, ça nous a épargné pas mal d'ennuis. Là, comment est-ce qu'on faisait, par exemple, du manuel scolaire avant qu'on ait ces technologies numériques-là? Hein. La décision finale sur cette histoire de double page et de mise en page, c'est pas n'importe quoi, vous avez tous subi ou manipulé ou acheté à prix d'or des manuels remarquablement faits et imprimés par rapport à d'autres pays en termes de produits, des trucs comme ça. Bah, qu'est-ce qui marche pédagogiquement? Pourquoi est-ce qu'on a fait ces pareils efforts dans l'édition? C'est parce que pour l'apprentissage, les belles mises en page d'une double page d'un manuel de sciences maths, d'un manuel d'histoire, là, il y a de l'iconographie, il y a du texte, il y a des documents, il y a des encadrés, et ça marche par double page. Hein. Et le travail se fait par double page, je pense, dans le temps d'édition, on fait ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire 128 pages, 56 pages, on dessine sur un grand dashboard au mur les doubles pages, et puis on fait les crayonnés en disant, mais là, j'aurais besoin du portrait de marin, du portrait ou de son atelier, là où il a son burin et son fond en plomb, les caractères qui vont ensuite discrètement mettre à l'intérieur de son marque pour faire apparaître les choses. Là, on prépare ça. Comment est-ce qu'on faisait avant? Là, c'est décision. Là, c'est des décisions pédagogiques. Hein. Dire, ça va, c'est l'équilibre bon, la visibilité bonne, il va falloir raccourcir un texte, je vais raccourcir là, non, je ne peux pas me passer de rajouter la corollaire du théorème là-dessus. On dit, ah, ça coûtait très cher à l'époque, on envoyait ça à la composition pouvait sortir les placards, mais il fallait faire la mise en page, donc on faisait les films, on montait les films, hein. Il fallait faire la correction chromatique, hein, et on sortait des épreuves extrêmement flatteuses. On appelait des chromanes, hein, ça s'appelle toujours des chromanes, c'est une marque américaine, je ne sais pas si vous me le dites, là, qui permettent de faire vraiment des épreuves photo sur papier glacé, hein, des pages. Hein, c'est du papier photo en fait. Hein, et on venait voir notre groupe de pédagogues avec les chromanes, en disant, regardez là, on a un problème là. L'époque romaine du parfait du temps, ça c'est pas mal d'argent, des délais, et je me suis occupé à l'époque où on parlait encore en franc, logiciel, bon, deux mises en page permettent de voir là. Hein. Mais avec les différences d'idiomes, il faut s'assurer que ça passe. Hein. Là, et même ça, je ne vais pas attendre aujourd'hui que tous vos auteurs et tous les outils servent à la mise en page. Hein. Combien d'entre vous ont une version, je dirais, plus ou moins légale de Quark Express, InDesign ou de FrameMaker? Hein, une proportion notoire. Combien en ont véritablement légal? Bon, c'est plutôt bien, mais ce n'est pas des outils que vous allez pouvoir lever à manipuler à votre heure. Il va falloir changer pas mal d'idiomes. Hein. Alors, là aussi, convergence. Là, une des bonnes solutions aujourd'hui, et qu'est-ce qui est commode, qu'est-ce qui remplace le programme aujourd'hui quand vous voulez faire? C'est PDF. Hein. Vous allez jusqu'à une mise en page, vous envoyez un PDF, et si vous arrivez à aussi l'accord suffisamment de droit à vos auteurs, vous essayez de mettre ça sur un serveur et leur dire, vous allez regarder hein, sur le serveur électronique. Hein. Est-ce que ça marche ça? La lecture sur écran, pour l'instant, ça ne marche pas. Hein. On a encore une rupture numérique là. Hein. C'est peut-être commode pour un commun qui travaille, mais on n'a pas encore trouvé des dispositifs qui permettent de faire de la relecture efficace, de l'adaptation éventuellement. Alors, bon, je peux vous montrer un petit peu comment nous, on essaye de lancer. Alors, vous avez le problème symétrique. Là, j'ai fait la chaîne qui allait vers le papier. Hein. Mais vous avez un peu la même chose aujourd'hui. Si vous avez l'intention de faire de l'édition en ligne ou sur support numérique, ça vous double le problème. Hein. Parce que je vous rappelle que ça, c'est très bien. Hein. Mais votre deadline en bas de page là, hein, elle va poser un certain nombre de problèmes sur un certain nombre de supports numériques. Je pense que vous allez être suffisamment torturé par Adrien, qui, si j'ai bien compris, a l'intention de vous faire faire un petit pull jusqu'à la mise en place de notes en bas de page. Là, là, vous allez en entendre parler. Hein. Là, belle page, là. 154-155, avec répartition des notes sur les deux pages. Hein, là. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'édition électronique. Ça a plein de sens pour l'édition papier, mais ça n'en pas plus là. Hein. Donc vous avez un chemin de finition là-haut pour le papier et un chemin ou N chemins de finition en dessous pour revenir. Hein. Alors là, je vous fais la totale, simplifiée. Hein. Je ne pourrais pas ajouter les faits dans tous les sens, complexifier là. Je ne vous ai pas rajouté tout ce qui concernait les métadonnées. Hein. Là, je suis juste là, le schéma là. Mais vous avez déjà, vu à la convergence numérique là, hein, une complexification des circuits. Là. Qu'est-ce que ça a fait émerger et quel vocabulaire ça a induit cette situation? On a plusieurs produits. Hein. On a un leader commun, hein, un langage commun numérique. Des idiomes particuliers pour le métier dans l'art. Hein. On va plutôt parler en bas XHTML. En haut, on va parler XML, pas du tout PDF. Hein. Là. Qu'est-ce que ça a suscité comme idée, ou comme mythe, ou graal de l'édition hein. Là. Où est-ce qu'il y a des surcoûts hein. Dans toute la redondance à droite, hein. Dans les idiomes métiers de mon monde numérique. D'édition numérique ou de restitution numérique, dans mon monde des arts graphiques en haut à droite, hein, là. Quelle est la tendance naturelle hein, la grande vertu de quelqu'un qui fait de l'informatique, c'est d'être extrêmement paresseux. Hein, là. Donc, passer énormément de temps et consacrer énormément d'efforts, et si possible pas trop d'argent, mais quand même un peu, à demander à l'informatique de lui épargner les efforts et les envies. Hein, là. Ben, ça fait émerger la notion de contenu. Là. Comment est-ce qu'on vend cette situation, quand même complexe, lourde, hein, aux gens? On dit, mais ça va être génial parce que vous allez devenir éditeur de contenu. C'est ça, le contenu, hein, là. C'est à l'intérieur de ça, hein, là. Mais moi, je trouve que c'est toujours plus commode à manipuler avec le contenant. Mais. Là, on a dégagé l'équivalent de la notion d'heure à ce stade-là, hein, dans la convergence numérique. C'est-à-dire que dans nos flux, on a cessé de considérer qu'on partait de document à un document, qu'au milieu, dans le lecteur, il m'inclut des documents qui représentent le même objet abstrait, qui est l'œuvre. Hein. Et on a dit, non, vous allez devenir des éditeurs de contenu, puis alors c'est génial parce que vous n'allez plus vous occuper de la suite. Hein. Une fois que vous avez édité vos contenus, il y a des petits jeunes gens là qui vont arriver et dire, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cet excellent article. Tu n'as pas repris beaucoup de papier, et là, tu as pris surtout du numérique pour faire du papier de RS. C'est un projet, c'était vraiment un livre. Oui, non, c'est bien du papier, mais ce n'est pas vraiment un livre. Non, c'est pas, c'est là. Mais imaginons que là-dedans, il y ait eu ça illustre bien le fait par des documents qui étaient déjà formulaires. Il a été amené au centre à transformer un. Et un imprimeur qui m'a fait ce livre, vous allez faire dans vos ateliers des versions numériques à droite là. Hein. Vous allez vous situer massivement dans cette case là, hein. Dans ce circuit là. Au milieu, cet objet là, la grosse question c'est est-ce que c'est un contenu indifférent de cette façon là, hein. J'ai le contenant papier. J'ai les contenants numériques, que ce soit un Kindle, une Sony, un iPhone ou un fichier PDF, ou du HTML. Hein. Et est-ce qu'on peut être éditeur simplement du contenu et ne pas se préoccuper de la suite, hein. Ben, à mon avis, dans quelques cas, ce n'est pas possible. Hein. Ben, d'abord, parce que moi, je crois fermement que le. La responsabilité éditoriale, elle va jusqu'à une prise de responsabilité des lecteurs de la lecture et de la réception, donc de la rematérialisation. Hein. Et donc, on ne peut pas déléguer ça, ou bien on délègue la fonction éditoriale en aval. Hein. Je dirais que Adrien, dans un certain nombre de cas, qui reprend des fichiers et se prend complètement en charge le formatage pour faire de l'impub, puisque vous avez été les premiers à faire de l'impub, vous avez assumé une responsabilité éditoriale. Vous avez pris des documents, hein, et c'est vous qui avez assumé jusqu'à la publication la responsabilité de dire ce document, autant que je puisse le dire, c'est de ma responsabilité, il est lisible pour vous. Hein. Ça, c'est la responsabilité éditoriale. Hein. Et l'éditeur de contenu, n'existe pas un même. Une agence, hein, l'exemple qu'on donne en général pour les contenus en disant ben voilà, vous prenez la RFP, hein, c'est un flux de dépêches. Hein. Sauf que ces dépêches, elles sont éditées et publiées sous un format donné. Hein. Que ce soit autrefois sous la forme de bande de Telex, hein, aujourd'hui sous la forme de message, mais c'est une forme. Hein, là, et c'est une circulation de documents. Là. Et ce qui fonde l'édition numérique, c'est d'aller jusqu'à prendre la responsabilité. Alors il y a des moments où on va déléguer, hein, c'est clair. Hein. Il y a des décisions, il y a enfin plein de discussions, pas plus tard que cette nuit, ça discute très fort sur la liste de 2.0 de Peter Brantley et Tim O'Reilly, sur quelle est la responsabilité d'un atelier qui va faire de la numérisation dans le projet du Timbert ou les proofreaders, les distributeurs de proofreaders. Un auteur, donc édition tierce, le troisième avatar, je suis sur le point de partir en main, j'ai un exemplaire de ce livre-là, je vais en faire une version pirate numérique, je l'apporte à mon atelier, à mon Ichéri ou à Madras, et là, comme ça, je vais dire, tu me scannes ça, on va se débrouiller, mais je vais faire une version numérique à partir de cet ouvrage imprimé. Hein. Je vais avoir plein de décisions à prendre là-dessus. Hein. Si je veux la faire pour le mouchoir de poche d'un téléphone. Hein. Exemple, je ne suis pas Google, je ne vais pas rajouter ma tête là, mais je vais quand même amené à prendre des décisions. Là, est-ce que je vais garder titre courant, page de gauche, page de droite, hein. Là, ici, j'ai chapitre 2, monopole libre, hein, et là, le livre à l'heure numérique. Quand je vais présenter une page isolée, ça a beaucoup de sens de garder l'alternance titre courant gauche, titre courant droit, avec ces informations-là. Donc, une décision éditoriale, là, hein, que je vais pas amener à prendre par ici. Hein. Un des exemples que j'ai bien aimé, c'est la page où Olivier Guillot, à peu près toutes les notes, sont idem. Ça va, Ouvel, après sur ma version PDF, je la retrouve. Voilà, page 47. Hein. Page 47, isolé. Hein, vous avez, grâce à Adrien, appris à mettre des notes en bas de page sur votre liseuse là, ça, et vous affichez cette jolie page 47, quasiment pelle. Vous avez trois notes de, en bas, 51, 52, 53, qui. Bon, c'est pas très gênant sur le papier, dans la mesure où si vous jetez un coup d'œil sur la page de gauche, vous trouvez la note 50, qui bip. D'accord. Heureusement, la note 49, c'est Hubert Guillot, entretien téléphonique avec Olivier Donat, le 14 novembre 2008. Ça va, vous avez dans votre vision ce de coup pour un minimum d'inconfort, information qui marche. Hein. Vous passez un automate, vous faites confiance à votre labo ou atelier de l'OPO en Inde du Sud. Là, qu'est-ce qu'il prend comme décision là hein. Je le laisse, hein, probablement. Hein. Voilà. J'ai la décision éditoriale à prendre là. Qui assume cette commission, responsabilité là, cette restitution, prend le rôle de l'éditeur et, à mon avis, donc, assume un peu les responsabilités, probablement, mais d'être rémunéré pour ce service qui est un service important. Ah. Donc, ça vous met en place à peu près le schéma. Hein. Tout ça, hein, aujourd'hui, ça se passe à travers les technologies numériques, mais ça ne change pas qu'il y a des métiers qui ont besoin des outils différents. Alors, avec quoi est-ce qu'on se débrouille hein là. Bon, donc, vous devez vous en douter, quand il y avait marqué édition structurée en bas, c'était extrêmement focus de ma part de la processus éditoriale au départ. Ce dont je voulais vous parler, c'est en fait de dire que le processus éditorial passe quelque part par du XML. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de photo. Si on peut vous donner un conseil quand vous vous engagez dans des aventures de publication, hein, arrangez-vous pour avoir quelque part du passage par XML, parce que c'est ça qui va se rapprocher le plus de cette notion de contenu flexible, hein, parce que XML permet de respecter les textes, de référencer les objets de publication, d'inscrire la structure de votre ouvrage et les relations, hein, et il y a des outils autour de ça qui vont permettre d'aller pêcher dans cette sorte de conteneur XML, dans ce document XML, les indications qui vont permettre de décider que c'est une très bonne idée de, d'abréger les notes avec la bio page 47-48 là, en IBI, hein, et ça marche sur le papier, mais c'est pas inscrit dans le marbre. Si on décide d'en faire une version sur liseuse là, il va falloir adopter une autre solution. Hein. Alors, si on est sur un écran d'ordinateur, ça peut être une pop-up qui va chercher le texte de référence et n'affiche pas un DBT. Hein. Petit détail croustillant, j'ai appris des choses comme ça à la dure, toujours avec celui, quand j'ai mis le dictionnaire anti-encyclopédique, et pour naviguer sur le dictionnaire, l'espace de navigation, on avait vraiment fait des listes hein, dans les matières. C'est l'exemple que Patrick Marin vous montrait tout à l'heure des podcasts intitulés Radio France, Radio France, Radio France. Avec un screen dans quand même 8h50, 3 minutes, 9h12, 7 minutes, là, ça, ou le travail de RTL avec des livres. Moi, je me suis retrouvé avec des pages, hein, n'imaginez pas un dictionnaire encyclopédique. Combien il y a de victoria intéressants pour des lexicographes en encyclopédie. La reine, le lac, un quartier, une province d'Australie, rien, ça. Et on se retrouvait avec une liste victoria. Alors certes, grâce à l'interactivité, vous pouvez cliquer et s'apercevoir, la recherche sous texte, et je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée d'extraire les métadonnées des textes là, hein. Il faut qu'on les lise explicitement, et aller se dire, ben voilà, ah, j'ai cliqué sur la première ligne, ça m'a ramené la reine Victoria. Hein. Mais en fait, je crois que c'est à Cholon, c'est un quartier de vie que je cherche. Donc, clique sur là. Bon, quand on arrive avec une sixième, hein, et qu'il y en a huit, l'écran ayant 6 lignes par exemple, ça va sauver. Hein. C'est pas discriminant. Donc, je fais appel à ma mémoire pour savoir c'était sur quelle ligne, quelle est ma ligne pour arriver en, enfin bien voir les choses. Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire ? On a été faire un travail éditorial d'information en fonction d'un support. En disant, voilà, je vais sur le support informatique, ne pas pouvoir utiliser la commodité de l'impression et de la vision synoptique de mes vedettes de dictionnaire, avec tout de suite le texte par derrière. Là, je passe une liste d'entrées sur le Victoria en disant Victoria Ville, Victoria Quartier, Victoria Lac, Victoria Province. Hein, là. Et là, c'est de la création éditoriale, c'est de la responsabilité. Et il faut voir parce qu'il s'agit permet fort bien de voir avec les commodes ce genre de méthode. C'est exactement la même situation pour ceux qui sont plus familiers de HTML, ici HTML, de la balise ALT pour les illustrations, disant si je ne peux pas afficher le document parce qu'il y a un lien rendu, au moins afficher un texte. Voilà. Ce texte est rarement calculable et au moins dans l'état de notre savoir en linguistique, en sémantique automatique. C'est un travail éditorial. On peut le mâcher avec des techniques informatiques, hein, et au moins sortir la liste en disant voilà, tu as 12 Victoria, donc là, hein, tu as un problème. Je peux t'afficher les N premiers caractères de là pour t'aider sur une époque, dans un document de travail. Hein. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir à encoder correctement en fonction de ce que vous savez comme cycle-là. Ce qui est très inconfortable aujourd'hui, c'est que dans le domaine de l'édition numérique, c'est le souk. Hein. Des formats, on en voit arriver un peu tous les jours. Hein. Et même quand il y a des efforts louables, comme ePub, de faire un standard unique, derrière, comme ce standard ne contraint pas les fabricants, ça ne dispense pas notre ami Adrien de vérifier si le lecteur de chez Machin applique le ePub correctement pour les notes, les titres courants. Là, il vit des trucs formidables et il dort un peu. Parce que ça foisonne, nous ne sommes pas encore dans une convergence totale. Il y a même des moments où on a sentiment que ça diverge un peu pour avancer sur ces questions. Alors, des choses un peu en vrac là, mais là. Je voulais revenir sur cette notion de document. Hein. Un document numérique. Hein, là. Le numérique et l'inclusion numérique dans cette convergence fait qu'il faut reconsidérer la question de la lecture et des lectures numériques et de l'usage de nos textes. Là. Et là, c'est difficile. Hein. Dans l'acte de publication, il y a le moment où, comme son nom l'indique, on fait d'un document qui était un document personnel ou à diffusion restreinte, un document de travail entre deux ou trois personnes, où là on peut se mettre à peu près d'accord sur la référence et ce qu'on peut en faire. La publication, ça veut dire qu'on saute le pas à partir du moment où on a publié le document, hein, ça devient un bien public, on en perd la maîtrise. Hein. C'est l'équivalent des commons, autrefois, ou de la chose publique de la mythique république romaine d'avant l'Empire. Là. Et là, c'est quand même aussi la responsabilité de l'éditeur de prévoir ce qui va advenir de ce que vous avez publié. Hein. Ce qui va faire le succès, et c'est ce qui, en principe, entre éditeur et auteur, justifie l'exception à propriété, l'exception de propriété intellectuelle. Puisque vous avez un peu des sujets de droit, c'est des sujets qui sont assez intéressants, pour se souvenir que la notion de propriété intellectuelle, propriété des biens immatériels, c'est une exception au bien public. Hein. Les biens immatériels qui n'occupent pas de place et dont l'usage ne laisse personne. Quand vous lisez un livre ou accédez à une œuvre, n'empêche pas Marmin ou n'importe qui de le lire. Peut-être qu'on passe de clair pour certains aspects, mais ce qui fait que les juristes au XVIIe et XVIIIe siècle ont élaboré la notion de bien public pour les biens intellectuels. Hein. Ils sont posés après, par contre, mais c'est un peu embêtant parce que ça va quand même des efforts à les faire. Hein. Ça doit être diffusé, c'est le bien public. Hein. Alors, on va faire une exception au droit de copie, de lecture, de diffusion, et on va dire pendant une période donnée, on va avoir un monopole qui est conféré au créateur de ce monopole. Ce monopole, pour moi, hein. Alors, c'est ce qu'il y a écrit, vraiment, de l'arrivée, 70 ans après la mort de l'auteur, le monopole s'étend. Il faut reparler des droits des lecteurs. Alors, quels sont les droits des documents qu'on a, quel vocabulaire que nous avons la plupart des livres que vous utilisez, manipulés, ils vous servent à des appropriations. Il y a tout un vocabulaire d'objets qui sont proches du livre, hein, qui vous sont propres, et qui tiennent là. Vous avez à utiliser des supports de livres. Avec à côté des carnets de notes. Vous avez noté des choses par rapport à ce que vous dites. Hein. Vous avez les cahiers de brouillon. Hein. Vous allez pouvoir noter des choses. Vous avez le manuscrit. Là. Alors, plus on va vers l'élaboration, vous allez avoir des maquettes données. Là. Et si vous élaborez votre ouvrage plus loin, vous allez avoir des épreuves en placard, des épreuves en page. Tout ça, hein, ce sont des échanges de documents. Hein. Ce sont des documents de travail. Vous allez avoir de plus en plus des ouvrages composites et collaboratifs. Le numérique est en train, avec des phénomènes comme Common Press, les outils de brouillon, c'est tout à fait passionnant ce que Google est en train de préparer avec Wave. Hein. C'est des outils d'édition en temps réel, de pouvoir voir et voir les choses. Ça ne fait pas de livre, mais ça fait partie de notre culture d'élaboration et de lire le document. Qui est complètement bouleversé par le numérique et qui entre en convergence avec ces outils. Hein. Aujourd'hui, un éditeur ne peut pas se poser la question de savoir ce qui va advenir dans le monde numérique et comment on va se servir de ce qu'il avait l'habitude de dire. Bon, ça, une fois qu'on a appris à lire le maniement du livre, des index, des tables des matières à l'école, ça devient plus compliqué. Et pourtant, ça reste la responsabilité de l'auteur. Et ça va aller jusqu'à je décide ou non de fonction qui permet de transformer la matière. Un exemple d'impact des techniques numériques qui est lié et en convergence avec ça. Vous avez probablement suivi ce printemps l'apparition du nouveau Kindle aux États-Unis, le Kindle 2, qui avait par rapport à celui-ci une fonction assez sympa, une fonction de synthèse vocale. Un programme qui était capable de lire le texte affiché et de le prononcer. Hein, donc en synthèse vocale, c'est pas toujours original, mais ça, sur l'américain, ça marche plutôt pas mal. Vous avez ces fonctions comme ça sur les Mac, sur les PC. Hein. Vous pouvez activer, sélectionner une autre phrase et demander au Mac de vous lire. Hein. Vous allez avoir le son. Hein. Changement dans les habitudes de lecture, dans les droits de lecteur. Hein. Avec Amazon, ça s'est mal passé. C'est que la guilde des auteurs et des éditeurs ont dit halte là. Ils ont invoqué le monopole de droit de représentation en disant ça c'est une représentation, hein, représentation publique, vous n'avez pas le droit de le faire sans venir nous voir et de voir ça va certainement relever les énormes ventes que nous ont de livres audio là-dessus. Bon, hurlement des associations de Napoléon disant mais c'est quand même assez légal ce truc-là et pour la liberté. Là, et conclusion de ça, ça donnait des idées assez intéressantes à l'industrie qui s'est dit, mais au fond, quand je vends et touche de l'argent pour des sonneries, hein, mais la sonnerie elle intervient dans un amphi où il y a plus de 20 personnes là. C'est une représentation publique. Là. Et ils ont entrepris d'attaquer les opérateurs téléphoniques et les vendeurs de sonneries en disant oui, vous payez déjà pour avoir le droit de mettre la sonnerie parce que ça touche trois notes de Gershwin là et là, mais il faudrait que vous contrôliez parce que si la sonnerie est donnée dans un lieu public, c'est une représentation et regardez. J'ai le monopole du droit de représentation, je dois défendre les ayants droit et je vous demande des sous. Hein. C'est, à ma connaissance, pas encore jugé et il y a de fortes chances pour que vous, aux États-Unis, qu'il y ait un juge assez fou pour dire ben, peut-être qu'il faudrait effectivement faire une sorte de société de gestion de droit collectif. Le numérique vient considérablement changer hein, les règles de. Du jeu là-dessus. Bon, je vous ai parlé de mon IBIDEM. Là. J'ai jusqu'à l'admi. Hein. 12 minutes. Bon, un petit récapitulatif d'un certain nombre de problèmes que vous avez à vous poser quand vous passez de. Alors, ce qu'on appelle couramment un contenu. Des documents d'édition, et vous considérez que c'est votre responsabilité d'aller vers le l'affichage sur des supports barreaux. Hein. Va falloir recomposer, hein, et on parle beaucoup de recomposition. Ça fait partie effectivement des nouveaux droits du lecteur. Hein, j'ai envie, dans un certain nombre de cas, de regarder mon flux sur mon téléphone, et j'ai pas envie de le voir à travers la page de Google, mais à travers mon interface à moi. Là. Donc, suppression des hauts et bas de page. Hein. C'est vrai que dans les exemples que vous avez dans ce livre-là, vous aurez à vous poser la question dans vos ateliers de savoir qu'est-ce que vous en faites. Hein. Est-ce que je garde un onglet de pilotage qui est un outil de navigation commun sur le papier hein. Comment est-ce que je vais naviguer dans le texte là, avec ma version numérique. Et ça ne va pas être la même. Si vous avez un écran de cette taille-là, ou un écran de cette taille, la couleur, pas la couleur, hein, récupération des numéros de page, hein, vous avez sûrement fait des tours sur Google Book Search et regardé un petit peu, là, et vous avez probablement une expérience de lecture de pages en PDF sur Adobe Reader, hein. Comment est-ce que Adobe Reader vous permet de naviguer de page en page? Comment est-ce qu'il compte les pages? Hein? Physiquement, hein? Ce qu'il a reçu, hein? Sauf édition particulière. Ce qui fait que si vous avez scanné la couverture de cet excellent ouvrage, là, ça, c'est pour Adobe Reader dans un certain nombre de cas, c'est la page 1. Ceci est la page 2, et ainsi de suite. Hein? Sont nos habitudes. Typographique, normalement, nous ne comptons pas les pages de couverture, les frontispices. Là, je trouve que la numérotation de nos partenaires n'est pas absolument conforme à la classique. Là, parce qu'il est possible que ça prend en dehors de la couverture chaque page du bloc soit numéro. Donc ça là, les folios peuvent être utiles. Hein. Mais c'est des folios. Hein. Là, ce n'est pas des numéros de page. Bon, dès que vous partez sur de l'édition ancienne, d'un bouquin qui devait faire un tour sur le search, et il y a une période où il n'était pas de travail d'édition. Là, les pages qui sortaient des scans étaient numérotées séquentiellement. Et quand vous aviez une préface avec les pages 1 à 20 en romain, un frontispice, une littérature insérée, tout ça, complète. Hein. Donc, quand vous trouviez dans le texte ou dans une note bibliographique ou dans un article de référence, allez à la page 23, hein, là, vous n'avez pas de correspondance facile entre la circulation. dernières livraisons que j'ai regardées depuis quelques mois, maintenant, ils ont des gens qui sont capables de faire des tables qui vont utiliser les véritables numéros de page et non pas les numéros de folio physiques. Ce qui fait que, du coup, l'état des matières, les index, les citations, hein, pour reprendre les problèmes, donc voilà, vous allez avoir tout à l'heure à vous poser la question de dire est-ce que ça a un impact si je retire ici que je suis page 18, hein, 38, là, là, avec des impacts qui peuvent aller loin. Hein. Si vous avez des références croisées, hein, Guillaume faisant allusion à un texte de Virginie Clesset, là, un index, ben, il n'y a pas d'index, hein, derrière, comment est-ce que vous allez faire le lien? Et ça, ce sont des problèmes de numérique et d'édition de contenu. Il faut prévoir avant là. Création de lien interne, table des matières index, référence interne et externe. Bon, est-ce qu'il faut ajouter également, hein? Est-ce que cet ouvrage-là, il n'est pas bien, hein? Je reprends mon truc et je pars voir mon prestataire en main. Mais bon, mais la relation, il faut quand même que ce ne soit pas sur le site de revue.org du succès, mais il faut qu'on mette un peu de valeur ajoutée. On a vu ça, enfin, les élus n'ont pas fait d'index. Est-ce qu'on fait un index ou bah, après tout, on a numérisé, on a le texte, on peut passer les langages d'indexation là-dessus et préparer un index prêt. Hein. Est-ce qu'on va rajouter ça? Question, là, j'ai une question que je posais, au moins pour les bibliographies. Est-ce que tous les images cités qu'on fait ici sont repris à la fin? Les orientations bibliographiques, c'est un travail éditorial. Là. Des questions qui vont se poser là. Alors, derrière, il y a des parties qui sont amusantes. Hein. Aujourd'hui, ça, cette petite machine-là, on nous promet toujours pour la rentrée prochaine les premiers papers couleur. Hein. Ils ne sont pas encore là. Hein. Est-ce que mes illustrations d'un ouvrage qui est éventuellement en dernier commis, elles vont passer sur ce support maintenant? Sinon, qu'est-ce que je fais? Comment je justifie? Comment je vérifie automatiquement ou pas que mon illustration va passer au niveau gris? Là. Et le jour où Sony ou Final a écrit une forme, c'est génial, hein, j'ai maintenant la nouvelle version qui reconnaît la couleur. Alors, monsieur l'éditeur, maintenant, hein, toutes les trucs, là, je ne veux plus voir les dizaines d'images au niveau gris, les restituer en couleur. Hein. Là, surprise du chef. Hein. Là. Et puis, d'autre part, j'ai changé maintenant, j'ai écrit beaucoup plus grand avec une bonne définition, et je vais te dire que tu dois tout recommencer avec des illustrations sur du 1200 par 1800 points. Alors, les vignettes qu'on a faites, là, on essaie de les gonfler. Ça, tous les problèmes qu'on a rencontrés déjà autrefois, quand j'ai fait du dictionnaire électronique et du dictionnaire papier, j'ai été confronté. La première fois que je m'en suis occupé, en cours d'année, on est venu me dire que le dictionnaire de langue française que je faisais, finalement, ça va être un peu un dictionnaire encyclopédique. Là, donc il y a la partie encyclopédique à rajouter. Et puis, tu sais, il y aura aussi des illustrations dedans. Là. Et d'autre part, deux mois après que bon, j'avais mis ça en route, ça a été oui, alors le marketing nous dit, en fait, il faudrait qu'on segmente le marché entre le dictionnaire de petit format en deux colonnes, un peu comme un petit L, hein, c'était le concept là, là. Et, mais on pense qu'on a un marché pour faire le même texte, mais en grand format et en trois colonnes. Alors bien entendu, hein, on ne va pas faire deux fois la gravure, et chose, il faudrait qu'avec la fabrication, tu t'arranges pour qu'on stoppe une fois les images et les liens, qu'on recompose à la volée en deux, en trois colonnes, et que les illustrations elles puissent passer dans un format, je ne sais plus ce que c'est, une sorte de 18-24, un truc comme ça, là, à 20-30. Oui, chef, bien chef. Là, j'étais quand même assez content d'avoir des trucs en XML et d'avoir en plus stocké mes. d'imaginer des solutions et d'essayer ce qu'on laissera faire et ce qu'on ne laissera pas faire. Parce que ça avance très très vite vers une sorte d'ennui. Hein. Bon, je vous épargne quelques copies d'écran et je me suis laissé entraîner par mon texte. Je voulais vous montrer deux, trois choses qu'aujourd'hui on peut essayer de faire. Là. Alors, en deux mots, pour arriver à mélanger les idiomes aujourd'hui, sur des chaînes comme cela, ah, ici, il n'a pas aimé du tout le changement de format d'écran. L'idée générale, c'est d'arriver à avoir un milieu commun avec les équipes d'auteurs. Et si on est dans une création traditionnelle, pas de la reprise de copies d'écran à droite et à gauche, copies d'écran de fichiers, de blogs, de déjà numériques, ça va passer par du traitement de texte. Hein. Là. Et traitement de texte, hélas. Sauf dans votre communauté où il y a quand même un peu plus de gens qui s'annulent plutôt au Office, ça veut généralement dire qu'on va avoir traîné du Microsoft Word dans des versions récentes, c'est-à-dire les plus pernicieuses, même si elles prétendent avoir par derrière XML, c'est que c'est le couteau suisse avec le maximum de lames. Chacune faisant le plus mal possible de la tâche qui lui est confiée. Et pour de bonnes raisons, pour le décorité là, mais vous allez avoir du texte. Ben, ici, il s'agit d'arriver à travers le numérique et là, récupérer des choses là. Laisser un auteur faire toutes sortes de choses avec Word, c'est extrêmement dangereux. Hein, parce qu'il va devenir peu à peu expert en Word, il va s'abuser un peu une fois qu'il aura compris qu'il vaut mieux sauvegarder, que le suivi de modification finit par planter vraiment la machine et éventuellement les différentes sauvegardes et que la réinstallation de la dernière version de Vista ou de Windows. Pas loin quand les disques sont bien corrompus. Il y a un sport, mais il y en a qui s'y plaisent. Hein. Là, on est dans ce qui est dangereux, c'est qu'avec la qualité et la puissance de ces logiciels, ils voient des choses, donc ils pensent que c'est l'objet définitif. Hein. Là aussi, je reviens un peu sur ma notion de travail sans arrêt avec des documents. Hein. Le document de travail d'auteur sur la vie, c'est ça. Et c'est un document pour lequel il va falloir faire référence et qui fait référence. Ce n'est pas un contenu abstrait hein, qui va être réalisé chez un excellent imprimeur pour faire un excellent ouvrage sur papier comme ça ou chez un formant de commerçant américain de cette manière-là. Votre auteur, comme il prépare son magnifique, a un choix. Soit il le prépare avec un éditeur, genre Dreamweaver, qui fabrique directement son truc, mais c'est le choix de faire son manuscrit sur écran, hein, pour l'écran. Hein. Soit il fait un choix traitement texte et il va adopter des conventions traitement texte là. Donc ça fait pas mal de choses, ou alors hein, quelques-unes bien, quelquefois, un certain nombre assez mal. C'est très adapté au travail, au suivi correction, au remords. Hein. On peut mettre des styles. Hein. Là, et c'est très trompeur parce que l'auteur, il arrive en général tout fiero avec son impression, en disant j'ai ma clé USB, vous avez la dernière version de Word, et regardez comme c'est bien fait, là. Et il va s'apercevoir très désagréablement que vous, en tant que éditeur, oh là là, hein, mais votre truc, il fait des tas de choses qu'on va faire bien mieux que vous après. Hein. Là, et d'abord, on va pas utiliser les mêmes polices de caractère parce que vous avez les polices natives de DOS plus 3 polices grattées à droite et à gauche, là. Et, alors que moi, mon compositeur, il va travailler avec des polices légales, certifiées par Adobe, qui portent le même nom. Pas du roman, là. Mais on n'a pas tout à fait le même dessin, on est très particulier. Là. Exemple vécu de ce genre de situation. J'ai eu à gérer un dossier un peu important pour la réunion des musées nationaux avec des auteurs donc une auteure qui était conservatrice de musée et travaillait sur les lampes antiques en terre cuite, vraies ou fausses, au musée de Saint-Germain-en-Laye, là, donc avec un peu une graphique à la vie. Elle avait trouvé une collaboratrice ou stagiaire qui lui a fait la préparation de son manuscrit et description sous une filemaker, là, Microsoft qui était innocent, là. Et dans les notices de filemaker, la collaboratrice et la conservatrice se sont débrouillées pour écrire le texte en français, le latin, bien mis en italique, le grec, bien mis en caractère grec. Là, ils avaient même trouvé un morceau de police où il y avait beaucoup de grec, des grecs anciens accentués, pas toujours, mais c'était vraiment commode par ailleurs de mettre aussi les caractères qui sont dans la police symbole, hein, là, sigma et oméga, hein, là. Deux encodages, deux idiomes, une ignorance métier totale, là. Ah, les fiches étaient les mêmes, hein, non. Elle suffisait quand elle n'est pas de lecture. Le document de travail de mon auteur, numérique, était conforme à la CV. Quand on l'a passé à la malheureuse éditrice de la RMM, là, qui a dit qu'est-ce que c'est cet objet-là, a couru voir son fabricant préféré qui a dit pas de problème, je sais, j'ai un prestataire. Donc, on peut, donnez-moi l'assiette, on va vous récupérer le texte. Là. Ah oui, mais vous avez mis de l'enrichissement et des caractères un peu bizarres dans ces cas-là. Ah ben ça ne va pas passer. Hein. Ça, il faudra tout ressaisir et tout réenrichir. Hein. Là. Alors, j'étais malheureusement pour moi dans les barrages et l'éditrice en question, c'est Licon. Je vais avoir des ennuis avec ma patronne et les budgets à la réunion des multinationaux ne sont pas véritablement à la croissance pour les ouvrages de diffusion aussi massive. Vous ne pouvez pas dire quelque chose parce que dans la fabrication, ils disent qu'ils vont récupérer le texte, hein, mais ce sera pas un XML. Hein, c'est-à-dire dire XML, c'est important. Et par ailleurs, il n'y aura plus les italiques, il n'y aura plus les structures, il n'y aura plus les grecs. Il faut faire quelque chose. Là, j'ai fait quelque chose, là, mais surtout j'ai appris à dire, bon, avant de travailler avec un auteur quelconque, mettez-vous d'accord sur le protocole, répartissez-vous les métiers, mettez les bons outils entre les bonnes mains. Bon, là, clairement, effectivement, je vous recommande le mélange de police grecque et Unicode avec de temps en temps un petit coup de symbole qui n'est pas en Unicode. Ça peut aboutir à des choses intéressantes. Je vous recommande, dès que vous avez des problèmes, là, de bien regarder du côté des mathématiques. Hein. Le point mathématique au niveau de la ligne qui n'existe pas dans toutes les polices, il faut avoir les bons outils. Hein, et c'est complexe là. XML peut aider là. Hein. Donc, ça là, qu'est-ce que je fais là, je mets du traitement texte, mais je fais des protocoles ultra simples. Hein. Donc, vous allez pouvoir jouer avec votre un peu comme vous voulez, travailler comme ça, mais les noms stylés, c'est à moi. Hein. Et je vous en ai mis une petite douzaine, une quinzaine, là, et on fait un protocole et des réunions. Hein. Éditeur, fabricant, auteur, pour le faire. Là. Derrière ça, hein, je lis ces textes-là, quasiment dès qu'ils arrivent chez l'éditeur, dans OpenOffice, qui est une bénédiction. Ça lit à peu près n'importe quoi qui vient du monde Microsoft, sans rien perdre. Hein. Alors, le sans rien perdre, c'est un peu douloureux, parce qu'il y a un grand principe informatique, c'est garbage in, garbage out. Hein. Quand vous avez des ordures en entrée, hein, OpenOffice est assez raisonnable. Hein. C'est trop lourd, ça a l'air compliqué à l'intérieur. Hein. Bah, je vais rendre tout ça. Hein. Mais vous voyez, dans quelques précautions, il y a une fonction extraordinaire dans OpenOffice qui fabrique un fichier XML manipulable. Hein, c'est que vous avez la possibilité d'exporter après transformation, le conflit de retraite en test, avec énormément de choses. Et là, à nouveau, vous avez en bien entendu parler, existe des feuilles de transformation qui sont capables de prendre de briser le format, qui s'appelle l'idiome de l'office, pour le transformer en PEI. C'est un garçon qui s'appelle Sébastien Martz qui a fait ça au sort. Hein. Et la feuille, moyennant 2-3 enrichissements ou modifications faits de la PEI valide. Et d'autre part, là, moi, je l'utilise de manière à récupérer les endroits où il y a des choses assez compliquées qui viennent de Word ou de en texte pour de bonnes ou mauvaises raisons. Il y a d'assez bonnes raisons pour que ce soit compliqué, ce que je veux souvent. Les récupérer, les traiter et pouvoir les transmettre, si nécessaire, vers la mise en page papier, InDesign ou FR, WordPress, ou garder ces indications pour faire la post-édition. Si on veut aller dans le HTML, créer des classes, par exemple, à partir des styles, là-dedans. Donc là, si je lance ça éventuellement en test, j'ai choisi ma ligne transformée en TEI, hein, mon document actif. Là, ça va mouliner quelques temps. Ou ça a déjà mouliné parce que. Voilà. Et ici, vous avez un nouveau document de travail qui est purement vérification. Il n'est pas une table là, puisque je suis juste en test. Hein, mais ça va faire de mon instance document. Donc les tableaux, les appels d'images, la typographie, les choix de style ont été faits dans Word hein, avec les noms et je m'arrange pour les transférer là. Donc ça, cette, si je l'enregistre et si j'ouvre ça ensuite, je l'ai déjà fait donc je ne refais pas la manip, mais dans un éditeur XML, vous avez ici une vue nouveau document de travail dans un éditeur XML qui est la sortie de mon document, la transité. Directement, je peux même le faire en macro. Enfin, ce document XML, hein, moyennant encore une transformation, parce que InDesign, par exemple, prend du XML, mais pas du XML tout à fait légal. Hein, c'est, l'informatique, c'est toujours passionnant. Et les éditeurs logiciels et les informaticiens, de temps en temps, ont des moments où on fatigue un peu. Et donc, la norme n'est pas tout à fait. Là, je peux, ici, avec un petit bouton qui va m'appeler une transformation, fabriquer la version XML, TEI, TEI Lite, qui va plaire à InDesign, et arriver ici. Donc, j'avais déjà ouvert ça. Alors, ça doit être totalement illisible où vous êtes. Ça va être peut-être un petit peu mieux comme ça, hein. Là, en fait, un accord XML avec une feuille de style InDesign interprète la structure TEI, les noms de style que j'ai passé, et moyennant convention avec le magnétisme, le coule directement. Là, on arrive à la situation où on peut commencer à jouer gentiment. Je voudrais revenir par ici. Quand vous avez ce circuit-là, on peut utiliser la convergence numérique pour faire un travail éditorial. C'est-à-dire que l'auteur travaille avec son outil, son client. On s'est mis d'accord avec un protocole léger et de sa compétence. L'éditeur peut faire des opérations automatiques. Je forme un fichier Word hein, avec des composants, des liens avec des images. Je le fais couler automatiquement à travers la TEI. Là, et je peux l'envoyer automatiquement à InDesign qui va sortir. L'élément que je vous donnais là, vous avez vu en gros que ça tombe une mise en page, il n'y a pas eu de décision pratique. Hein. C'est-à-dire que si jamais il y a des problèmes d'encombrement, le moteur de design va avoir. Et on va avoir une épreuve qui va pouvoir revenir aux décisions, comme un chromalin, si vous voulez, hein, à ce stade-là, L'éditeur va pouvoir y jeter un coup d'œil et vérifier si la vérité. Voilà. Même chemin peut se faire, évidemment, avec les sorties XHTML ou les sorties là. Et on a ici des avantages de l'automatisation. Hein. C'est-à-dire qu'à travers des protocoles un peu précis, l'utilisation va arriver à avoir une partie d'automatisme qui va permettre ensuite à une communauté existante, fabricant ou spécialiste de telle ou telle plateforme, de communiquer avec l'auteur, l'éditeur, les éditeurs commerciaux pour dire voilà, j'ai une sortie qui a été extraite de mon XML. Voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des modifications? Tu peux faire des modifications. Et ça va être très rapide de faire des. Je sais que c'est vous qui avez fait des modèles, en fait. Arriver avec des protocoles d'autres qui permettent d'arriver le plus vite possible à donner une image aussi claire que possible du produit final. Ce qui n'empêche pas que, j'ai tout insisté là-dessus, quand on commence à changer de format, il y a du temps. Et je vous épargne l'histoire de la tech et des versions de la tech et des merveilles de la tech dans la vie courante. Non. Merci. Très bien. Il y a des processions.